Mes amis, vous le savez, en ce moment, c'est le salon du goût en Italie. Je parle du goût, attention, hein. Le goût, pas les fringues, hein. Non, parce que là, faudrait peut-être en finir avec cette légende que les Rital, c'est les rois de la sape. Moi aussi, je peux m'habiller, hein, comme un maquereau avec des vestes qui ont la souplesse de la couille et des pompes avec marqué dessus Dolce Vita Me Burn. Non! Là, je parle de goût de la bouffe. Je suis arrivé chez nos amis les Bouffenouilles. Une fois passé les 541 stands consacrés aux pâtes, je suis tombé sur la caravane du Tyrol. Ah! Quel soulagement! Ni une ni deux, je me suis précipité. J'ai été accueilli par une femme sans retenue, au physique déplorable, mais qui avait pour seule fierté ce sourire édenté et deux auréoles sous les bras, preuve irréfutable de son ardeur à la tâche. D'entrée, elle a su trouver les mots en me proposant un schnapps. La gorgée spéciale retrouvaille d'expatriés, la 25 litres. Au bout de 17 heures, je peux vous l'avouer, mes amis, j'étais légèrement embrumé. Je crois même que j'étais victime d'hallucinations. Je voyais passer devant moi des ours en string. Je me dis, Helmut, tu divagues. Va donc faire un tour, ça va te faire du bien de dessouler un petit peu. Je me dirige donc vers les autres exposants et j'arrive devant le stand d'un petit chinois. Alors le niaque, t'apportes quoi d'intéressant? Des nems au ricard? Mais t'es malade ou quoi, fleur de lotus? C'est pas du ricard qu'il faut mettre avec les nems, c'est du schnaps! J'ai inondé le stand de mon ami le niaque. Par la suite, j'étais faire un tour au stand de nouilles que j'avais repéré. Il y avait une poulette. Ouh, elle maniait la pâte, fallait voir ça. Alors, Miss Bolognaise, on s'ennuie pas toute seule avec ces gnocchis? Ça te dit pas de faire une pause? Comment ça, non? Mais pour qui tu te prends, espèce de... Ah, c'est pile à ce moment-là que je me suis pris un coup de rouleau à pâtisserie. Vous me connaissez, je ne suis pas d'un naturel à abandonner pour si peu. Je suis donc revenu à la charge en mettant toutes les chances de mon côté. J'ai passé de l'huile de schnapps dans mes cheveux, histoire de ressembler à un autochtone. Et puis je sais, c'est pas joli, quoi? Joli. Quoi? C'est même pas très fair-play, mais j'ai chanté ce qui les rend toutes folles, les Miss Buitoni. Ti amo, tu sens bon le foie de veau. Oh là, elle est devenue dingue. Elle s'est couvert le corps de sauce carbonara. Elle s'est jetée sur moi en hurlant. Vas-y, sole mio, prends-moi comme une chose sans fierté. Je suis ton jouet, je suis ta pizza calzone. Ah, ouais, salami, Caruso. Et c'est pile au moment où j'allais lui faire le tour du salon dans des conditions d'humiliation extrême que 25 cousins sont arrivés et m'ont fait comprendre qu'ils ne me souhaitaient pas dans leur famille. Enfin, c'est la conclusion que j'en ai tirée une fois qu'ils m'avaient pété les deux genoux et coupé une phalange du petit doigt. Du coup, je suis rentré à la maison. Quelle bande de cons, Héritage. Allez, au revoir.